suivrai en lettre. Je dis à mon autre connaître qu'a écrit moi. Pour des moi, eh bien, et aime-moi. Ça m'a qu'à faire. Mes amis, autres tes assaves, autres tes adis, qui m'ont mis la vie trop compliquée. Pour pas accepter qui brûle l'amour devant jour. Où t'as la mauvaise que pâti, où t'as la mauvaise que courir. Pas fait coyon, quand on va qu'un bon. Il écrit moi quand même, ça fait moins la peine. Moi qui sais expliquer. Demain ou bien.